Section 22 de La grammaire de Mademoiselle Lily par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 22. Mademoiselle Lily demande une grammaire. Il vient un doute à Mademoiselle Lily. Elle se rappelle que Charlotte a eu l'air de dire qu'elle ne savait rien. C'est inquiétant. Au fait, il devait y avoir bien plus de choses que cela dans la grammaire que sa maman lui a montrée. Le livre était encore assez gros et imprimé si fin. Il faudrait regarder au moins ce qu'il y a dedans. On retire encore une fois le vilain cartonnage de l'armoire et l'on essaye de le faire lire. Non, décidément, cela ne peut pas aller. Ces grammaires-là ne disent rien aux petites filles. Il faudra en aller chercher une autre chez M. Hetzel. Il a promis de faire une grammaire de la maman, une vraie, où l'on apprendra que « cheval » fait « chevaux »,« beau »,« belle » et « menteur »,« menteuse ». Et il y mettra tout de même des images, mais des petites, qui ne prendront pas toute la place. Mademoiselle Lily est bien curieuse de voir cela. Fin de la section 22, enregistrée par Ezoa, en Belgique, en mars 2021. Fin de la grammaire de Mademoiselle Lily, par Jean Massé.